بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجين أم أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. مجيد دونك إن شاء الله أنا بصيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثره مكتفى. فنواصل إن شاء الله. On a pris certaines choses dans la leçon 14, on n'avait pas tout fini. On n'avait pas tout fini. Parmi les choses, il y en a qui sont... Il y en a, je crois, dans la leçon, on avait tout vu. À part le bedel. On va voir le bedel. Quand nous a dit, Mathelan, Nahnu abna al-doktor Moussa. Ou il y en a plutôt, lorsqu'il a dit, Aina ammukum. Aina ammukum. On va reprendre ammukum, t'as vu. Lorsqu'il a dit, Aina ammukum. Il aurait pu se contenter de dire cela, ça. Aina ammukum, c'est mufid, tu vois. Où est votre oncle paternel? Tu vois? Il aurait pu se contenter de cela. Lakin, il a ramené une ziyada pour éclaircir c'était qui est voulu par l'oncle. Il a dit, Aina ammukum al-sheikh Moussa, ou Isa. Aina ammukum al-sheikh Isa. Tu vois? Fahada, on va le voir. Comme on a pu le voir, Kadalika, avec le Al-Na'at. On avait le nerf, il vient pourquoi appuyer pour éclaircir celui qui est suivi. Pour éclaircir celui qui est suivi. Maintenant, quand tu dis, comme on a pu le voir, Tufahu, Fakihatun, on peut se contenter de cela. Lakin, il me ramenait la zida, une ziyada dans le bayan. Comme quoi c'est un fakia, et en plus que c'est un fakia, il est délicieux, la zida. Hein? Et le but du badal, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire de rajouter un éclaircissement sur la chose qui la précède. Mais on va le voir qu'entre les deux, il y a une différence. Entre les deux, il y a une différence. Parce que le bedel, c'est celui qui est voulu dans le hukm. Parce que là, quand il dit « Aina ammukum », en fait, il demande. Yani, où il est leur oncle. Lakin, qu'est-ce qui est voulu ici? C'est Cheikh Isa. Il veut savoir où est Cheikh Isa. Avant tout, avant de dire « Aina ammukum ». Il veut dire que quand ils disent par là, yani, on va le voir, il dit « C'est le tabi' al-maqsoud bil-hukm ». C'est celui qui est voulu dans le jugement d'une chose. Parce que là, qu'est-ce qui est voulu quand il dit Aina ammukum? Il ne cherche pas à savoir c'est qui, plutôt, comment ça s'appelle, où est l'oncle, mais Cheikh Isa. Ils ont ramené ammukum pour préparer quoi? Ce qui va venir après. Cheikh Isa. Sinon, lui, lorsqu'il a posé la question, il cherche à savoir il est où? Isa. Il est Cheikh Isa. Mais ils ont ramené ammukum. C'est Araf. Non, c'est Araf là. Il est Araf. Parce que c'est Am. Il est mudaf atfa bayan. Parce que ram ici là, il n'y a pas de différence là. Parce que l'am, il est quoi? Il est mudaf ilash kum. Et kum c'est quoi? C'est un damir. Ils disent le mudaf, lorsqu'il est annexé en damir, il va venir dans les choses. Non, ils disent pas le même mustawa. Il y a encore un khilaf sur ça. Ils disent ils prennent le même mustawa et ils disent non, il va juste en dessous de lui. Ils disent pourquoi? Parce qu'il dit Il a réussi à être, comment ça s'appelle, mu'arraf, défini, à cause de qui? Du damir. Il dit c'est damir qui lui a donné la cause d'être défini. Il dit celui qui donne, il ne peut pas être, celui à qui lui est donné une chose, il ne peut pas être meilleur que celui à qui, que celui qui donne. C'est pour ça qu'ils ont dit, il est juste en dessous. D'autres, ils ont dit, c'est la même chose. Lakin, wallahu alam, le code qu'ils ont dit, il est pas mal. Que celui qui a la chose, la personne à qui on a donné une chose, elle ne peut pas être meilleure que La personne à qui donne. Comment? Comme dans le hadith. La main qui donne, elle est meilleure que celle qui reçoit. T'as bon? Fait Wallah alam, lorsque tu regardes auprès d'un char, tu trouves que leur avis, t'as bon, il a des hujjaj, il a des arguments. T'as bon? C'est pour ça qu'ils disent qu'il va en dessous. T'as bon? Et c'est ma'rouf, Cheikh Issa, on a, les noms propres, ils sont en dessous des damirs. Ils sont en dessous des damirs. On va le voir la koul lahal. Certains disent badal, l'atf al-bayan, la koul lahal. Pour l'instant, vous gardez le truc de quoi? De badal. L'atf al-bayan, Inch'Allah, on verra un petit peu plus tard. Mais sinon, c'est comme je vous l'ai expliqué. Ils disent que c'est quoi qui est voulu là dans, quand il dit Aina, Ammukum Sheikh Isa, il cherche à savoir il est où Isa. Il cherche à savoir il est où Isa. Amma An-Na'at, celui qui est voulu, c'est quoi? C'est le man'out. Vous vous rappelez ce qu'est le man'out? C'est celui qui est avant le na'at. Maintenant, quand tu dis Al-Fakiha, on avait dit quoi? At-Tuffahu Fakihatun. Le jugement, il est posé sur quoi? Al-Tuffah. Lakin, ce qui est voulu ici, c'est de dire qu'il est une Fakiha. C'est pas qu'il est délicieux. On n'a pas voulu dire que quoi? Que la pomme, elle est délicieuse. On a voulu dire que la pomme, c'est un fruit. Donc, Al-Adida, il n'est pas voulu dans le jugement. Mais il est venu juste pourquoi? Apporter un éclaircissement. Tandis que lorsque l'axe avec cette phrase-là, « Inna ammukum Sheikh Isa », ce qui est voulu aussi, c'est de savoir il est où Isa. Avant de savoir, il est où son oncle. C'est Isa qu'on veut. Parce que son oncle, c'est qui? C'est Isa. Avant toute chose. Donc il veut savoir il est où Isa. Ils n'ont pas voulu savoir avant tout, il est où son oncle. Il dit c'est ça le farq entre les deux. C'est que Na'at, il n'est pas voulu dans le jugement, et le Badal, il est voulu dans le jugement. Fais-moi, Tom. Tu vois, la phrase c'est ça. Où est votre oncle? Sheikh Isa. Il cherche à savoir, il est où l'oncle ou il est où Isa? C'est Isa. Parce que Amoukoum, c'est Ram. Amoukoum, ça peut pas avoir plusieurs oncles. Ça peut être Fulan ou Alan ou Akada ou Akada. Lakin, lorsqu'il dit Sheikh Isa, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas, je veux dire, c'est quelqu'un bien précis. Aïna Ali. Ah, mais si tu ramènes une ziyada, Aïna Ali. Akhouka, khalas. Donc là, qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il cherche à savoir où il est Ali ou bien son frère? Son frère. Aïna Ali, Akhouka. Il dit c'est ça la différence entre les deux. C'est que le na'at, il n'est pas voulu dans le jugement. At-tuffahu fakihatun ladida. C'est un plus. Là, ça a été rajouté pour dire que c'est un fruit qui est délicieux. Amma l'autre, il est voulu dans le jugement. Il cherche à savoir, en vérité, c'est celui qui vient. Enfin, c'est pour rajouter quoi? Dans le bayan, pour rajouter dans le bayan, et ça peut être aussi pour enlever comme on dit ça, la confusion et tout ça, tu vois. Mais c'est pour rajouter dans le bayan. Et celui qui est précédé avant, c'est juste comme Tamhidan, il dit pour planifier, pour exprimer ce qui va venir après, tu vois. Yani, le farq entre les deux, c'est ça, Issa. Et Kazalika, ils ont évoqué aussi que le na'at, il est mutsarrif. Il a des dérivés. La vidun, tu vois. Tu peux trouver un verbe, tu peux trouver un ismafa'il, yani il a des dérivés. Amma ils disent le badal na'at, il n'y a pas de dérivé. Isa, tu ne veux pas le. Ya Isu, ça n'existe pas. Ou mais ça donne. Il est ghayr munsarif, laysa munsarif, lakin ghayr mushtaq. Il n'a pas de dérivé. Ghayr mushtaq, tu ne comprends pas, il n'a pas de dérivé. Aina Ali, Akhouka. Akhouka, tu peux le. Il n'y a pas de dérivé d'Akhouka. Akhouka, il n'y a pas de verbe. Yakhouka, ou bien, tu vois. Il n'y a pas. Ça, c'est pas en arabe. Ajami. On va le voir aussi, Kadalika, ça fait partie de son. Et non propre, Ajami, Kadalika, il ne prend pas Tanwin. On va le voir. William. Il n'a pas dit Williamoun. Eduardo. Il n'a pas dit Eduardoun. Parce que c'est un nom propre. Et qu'il est quoi, l'Ajami? Il est non propre que c'est un Ajami, il ne prend pas de Tanwin. Tout ça, ça va venir, on va le voir. Donc le premier truc c'est quoi? Al-Badal. Dans la phrase lorsqu'il a dit Aina, c'est quoi Ammouka? Ammoukoum. Ça? Aina Ammoukoum Isa, Al-Sheikh Isa. Quand il a dit ça, dans cette phrase, Aina Ammoukoum Al-Sheikh Isa. Ah, tu arrives en dehors. Donc toi, tu dis Isa ici, là. C'est quoi? C'est le Badal. Et c'est quoi le Badal? C'est At-Tabi'a. Donc, At-Tabi'a, c'est une chose qui vient après. De toute façon, on a dit At-Tabi'oun. qui sont venus après. Kadhalika, le badal, il vient après une chose. C'est-à-dire que tu ne trouveras jamais le badal en début d'une phrase. Reste pas. Un tabi'a. Donc, objet, une chose a succédé. Elle a précédé plutôt. Un tabi'a al-maqsoud bil-hukm. Wa yu'ta liziya dati fil-bayani. Donc, c'est un badal, c'est un tabi'a al-maqsoud bil-hukm. Wa yu'ta bihi avan. J'oublie bihi. تمام هو التابع المقصود بالحكم ويؤتى به لزيادة في البيان donc c'est celui qui succède une chose et qui est voulu dans le jugement تمام le jugement يعني tombe sur lui أين عمكم شيخ عيسى donc il demande où est عيسى qu'est-ce qui est voulu ici c'est عيسى التابع المقصود بالحكم ويؤتى به لزيادة في البيان ويؤتى به لزيادة Fil bayan. Il est venu, ou bien son but c'est de quoi rajouter et apporter un éclaircissement en plus sur la chose qu'il précède. Aina ammukum. Al-Sheikh Isa. Al-Sheikh Isa. Qu'est-ce qu'il a voulu ici? C'est Isa al-Hukm. C'est sur lui qui est porté le jugement. Vous avez compris? Et on a oublié de marquer un truc à Afwan. Wahoua. غير مشتق يعني il n'y a pas de dérivé il n'est pas tiré d'un dérivé je veux dire non il n'a pas de dérivé Issa cherche lui les dérivés tu peux toujours chercher tu ne trouveras jamais d'ailleurs il est غير مشتق c'est à dire qalam tu ne peux jamais le trouver on verra vous verrez plus tard parce que le na'at il faut qu'il ait un dérivé qalam il ne pourra jamais être na'at abadam pourquoi parce qu'il n'a pas de dérivé. Et le na'at, il est obligé d'être une chose qui fait partie des choses qui ont des dérivés. Et comme il n'y en a pas, tu ne pourras pas trouver. Comme ici, مثلاً, غير مشتق هنا, tu ne pourras jamais trouver un badal qui a un dérivé. N'hésite pas. Tu peux chercher, tu ne trouveras pas. Voilà. En fait, pour différencier, si tu veux, parce que des fois, ils vont dire, mais le na'at et le badal, les deux apportent un jugement, ils apportent un éclaircissement. C'est-à-dire, comment je fais pour différencier le na'at du badal? C'est encore plus facile que de savoir que ça apporte une qu'il est compris dans le hukm. Voilà. C'est encore plus facile. Tu peux prendre, voilà. Tu as deux manières de reconnaître un badal d'un na'at. Le premier, regarde, est-ce que l'un des deux il a un dérivé? Si l'un des deux a un dérivé, c'est sûr et certain que celui qui a un dérivé, tu l'appelleras na'at et l'autre, ça sera un badal. Ça, c'est une première alam. La deuxième, c'est quoi? Regarde, c'est qui est voulu dans le jugement? Qui c'est qu'on a, lorsqu'on parle dans la phrase là, qui c'est qui est voulu là-dedans? Le jugement il tourne sur qui il est sur qui et tu verras que la chose sur laquelle elle est posée le jugement si vraiment ils apportent les deux un éclaircissement celui qui est voulu dans le jugement c'est le badal et celui qui n'est pas voulu c'est le na'at al-tuffahu fakihatun ladidatun ladidatun c'est pas ce qui est voulu après il y avait quoi il y avait ay je l'ai vu dans le truc en fait il est dans les exercices c'est pour ça dans les tomes tu vois des fois il y a des choses qu'il faut voir qui ne sont pas dans le texte mais dans l'exercice. L'exercice numéro 4, il vous dit quoi? Ayu yomin hada. Vous le voyez? Ayu shahrin hada. Tamam, ayu kulliyati in akhirihi. Tamam, ay. Mais vous verrez que ay, avec ce qui vient derrière, généralement il y a quoi? Il nous voit faire. Ayu shahrin hada. Ayu shahri'in baytukum. Comment? Dans le texte. Donc ay, c'est quoi? Il a plusieurs. Ouais, vous allez voir, il a plusieurs fonctions. Tu peux utiliser dans le nida. Ya ayyuha alladhina amanu. Tamam. Tu peux dire dans d'autres trucs, laquelle là, c'est quoi qui évolue? C'est l'istifham. Tamam. En fait, il te demande sur une chose qui sait. Tamam. C'est pas comme ma, c'est une chose que, lorsque tu poses la question, dans une chose que tu ignores, ça. Tandis que ay, c'est pour une chose que tu sais, mais tu veux qu'on te désigne. Tamam. Où aller, où elle se trouve, tu vois. Tu sais qu'il a une maison, mais tu veux savoir où elle se trouve. Tu sais qu'il y a un frère, mais là, tu veux savoir, c'est qui est venu parmi ses frères. C'est pour désigner une chose. Après la science, après qu'il y a la science, elle lui est parvenue. Ça, c'est sur le thème. Donc, A, c'est quoi? La même ismu stifhamin li ta'yin al-su'al. Afin de désigner la chose sur laquelle tu te poses la question. Et comme on a pu le voir, ce qui vient après, c'est quoi? Il est mudaf. Ce qui vient après, la question, il sera toujours mudaf. Ayyu shahrin hada. Il n'a pas dit ayyun. Comment on dit l'il-ghalib? Fil-ghalib. Ou ghaliban. عندنا في الغالب أو غالبا تمام أي شهر هذا Après, tu as vu, pour les arabes, ça dépend. Il peut être marfou, comme il peut être mansoub. À la hasab, si jamais il est dans une phrase vers un nominal, il sera quoi? Marfou. Parce qu'il sera quoi? Khabar. Si dans une phrase verbale, il sera quoi? Il sera mansoub, maf'oul bihi. Maintenant, si je te dis, maintenant, tu te poses la question, qui c'est que tu as tapé entre les deux? Man, yani, maintenant, tu dis, ayyu, pour le duel, tamam? Darabata. Qui des deux as-tu tapé? Tu diras Aïya. Aïya huma. Aïya huma darabta. Tu dis pas Aïya huma. Aïya huma darabta. Tu diras, parce que si tu réponds à la question, tu verras que Aïya il va venir quoi? On m'a fait le B. Tu diras darabatu. Pas dire Mohamed, on va dire William. Darabtu William. Parce que là, la personne, là, tu peux me dire, Aïe, c'est un ism. Ça? Et il débute la phrase. Donc, s'il débute la phrase et que c'est un nom, c'est une phrase nominale. Laquelle là? Il y a une règle qui est bien particulière, c'est quoi? Dans les questions. Parce que la question, celui-là, tu peux pas le faire venir après. Darabtu Ayyuhuma, tu peux pas. Parce que le but, quand tu poses la question, quand tu poses la question, l'outil d'interrogation, il doit être précédé dans la question. Comme dans le français, Hatta. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'est-ce que tu dis? Ça se dit pas. Tu es obligé de le faire précéder. Parce que c'est l'outil qui va te permettre de. Parce que là, tu as envie d'interroger, ça? Tu as envie de t'interroger sur une chose. Il y a dans le uslov, dans le style d'interrogation, tu dois faire précéder l'outil d'interrogation à la chose sur laquelle. Ouais, là, ça peut être khabar mukaddam, si c'est une phrase verbale. C'est le khabar qui est, c'est plutôt le maf'oul bih. Donc en vérité, c'est quoi? Il faut regarder ce qui vient après. Pour savoir si jamais tu es dans une phrase nominale ou verbale. C'est pas le truc. Donc la shahar, on sait que c'est pas un verbe. C'est un nom. Donc la phrase, elle est quoi? Nominale. Daraba, c'est une phrase, c'est un verbe. Donc on sait que la phrase là qui va venir, c'est quoi? Une phrase verbale. Il débute tout le temps dans les phrases. Là, de toute façon, c'est même en français, je pense même dans n'importe quelle langue. Parce que le but de t'interroger, ou bien le but que tu veux t'interroger sur une chose. Donc quand tu veux t'interroger sur une chose, il y a une manière de faire. C'est quoi? De faire précéder l'outil d'interrogation là, dans la phrase. Donc ça c'est Aïe. Hey. On va voir vite fait le cas d'Aleka avec William. Là. William et Eduardo. Et après il y en a ramené plein. Ibrahim, Isa, Moussa. Donc il y a quoi? Donc l'alam al-ajami la yulawwan. Les noms propres qui sont non arabes. Les noms propres qui sont non arabes, non arabes, c'est-à-dire ça peut être hébreu, ça peut être américain, ça peut être kadakada. Les noms propres qui ne sont pas arabes, ils ne prennent pas de tanwin. Mathalan, Ibrahim. Ibrahim. Alayhi salam. Ibrahim, tu diras pas Ibrahimoun. Isma'il. Tu diras quoi? Isma'ilun ou Isma'il? C'est quoi Isma'ilou ou Isma'ilun? Limaga? Pourquoi? Pourquoi? C'est arabe, c'est non arabe. C'est qui l'a appelé? C'est lui qui s'est appelé ou c'est son père? Mathalan, Idriss. Tu diras quoi? Idriss. Idrissa. Là, Idrissou. C'est pas Idrissou. Et c'est quoi les quatre prénoms arabes alors? Comment ça? Les prophètes. Ah oui, Yashuaïb, Mohamed, Nuh. Houd. وإلى مدين أخاهم هودا. صالح بيشو عطوة لا شك شك ولا رأي صالح محمد لكن نوح نوح en fait il est pas on va le voir parce que il y a une règle ماشي il faut qu'il ait plus de 3 lettres parce que نوح c'est pas un arabe mais malgré ça il dit quoi إنا أرسلنا نوحا لكن pourquoi parce que نوح il a 3 lettres en fait le truc la règle c'est que quoi il faut que le nom soit un nom propre qui soit non arabe et qui ait plus de 3 lettres comme c'est le cas là dans Daoud. Il y a combien de lettres dans Daoud? 4 et je t'aime ala al-khata, c'est 5. Daoud, en fait il y a le wab, il est sous-entendu, c'est comme si tu écris comme ça parce que tu dis pas Daoud, tu dis pas Daoud, non mais tu dis pas Daoud, tu dis Daoud. صح داوود من دون القران هي لا سين خطا Si, mais c'est pas, c'est écrit, c'est écrit, en tout cas, à l'écrit, ça s'écrit pas comme ça. Regarde dans le Coran, dans le Mushaf, tu vas le voir. Ils lui font une petite, un, une espèce de petit waouh. Donc il y en a combien? 5. Daoud. T'as même? Vous avez compris là? Il faut que le nom, ça soit un nom propre. Plus de 3 lettres. Plus. Nouhoun. Nour. Nom arabe. Laquelle? La 3 lettres. Lout, pareil. C'est nom arabe. Et. Houd. Kazalika. C'est bon? Je crois que ça va voir. Quelques exercices à l'oral. Un petit cas. Exercice à l'oral et ensuite on se quitte. Exercice numéro 2. Yaqra wa aktub. Ouais. Il dit nahnu tatatata, vas-y, lisez avec la ponctuation. Vas-y, commence le truc qu'il trouve. Nahnu muslimuna. Ah. Après, vas-y. Allahu rabbuna. وإسلام وال والإسلام ديننا دي ديننا والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولنا رسول رسولنا خبر محمد سيكو سيكو اللي عرضه محمد مبتدا والنبي بدل والنبي رسولنا والنبي بدل. النبي النبي والنبي هو محمد رسول الله النبي سي كو النبي راه البدل النبي سي البدل سي با بوسيبل pourquoi il se décline le badal il vient après le badal Mohammed c'est le badal c'est Mohammed النبي le badal c'est le cours d'aujourd'hui والقران avec une haraka والقران الكريم نعم عدوك نعم الكريم نعم كتابنا كتاب كتابنا كتاب لأن كتابنا كتابنا كتابنا لأن هذا يبقى نحمله يبقى نحمله كتابنا سي خبر الكريم كريم تروح بس القرآن لا ما بس با كريم تجي الكريم كتابنا تفيد اسكوزمون علي بعدين والكعبة نعم قبالتنا قبلتنا قبلتنا سي كون قبلتنا قبلة سي ان ديريكسيون الكعبة تو سي نوتر ديريكسيون الكعبة سي كون لو كوب ان عرب الكعبة سي لو كوب الكعبة سي لو كوب والكعبة سي لو كوب تمام والعربية والعربية لغتنا لغتنا لغتنا صمت هذه بعدين أين مدرسكم؟ هذي؟ والله لا تجي. نقولش كنتي. يا إخوان. نعم. خرج الآن من الفصل من الفصل وذهب إلى المدير. هذي بعدين؟ في أبونا. صديق صديق عمكم نو توت شوز لا تي بو با تر مقلد عمي عمو عما سي تادي صديق عمكم صوت يدي بالخطا او صوت يدي بالعلم كومون سي جام تي لادي بالعلم سي كي تي فاندوني لا ريبونس بوركو ادي اتي دي صدي جي دي بالعلم باسكو جي لو سي كريت واه سي كريت واه جي دي اقرا واكتب اقرا دس نعم وزي أبونا صديق عمكم بقى عمكم بقى عمكم بقى عمكم بقى عمكم يزي أبونا أبونا صديق عمكم عمكم لماذا عمكم بقى عمكم بقى عمكم مضاف مضاف إليه المضاف مرفوع عبد الله سيكو صديق سيكو مضاف اليه سيكو ابونا صديق سيكو صديق سيكو صديق ابونا سي كو votre notre père notre père non et l'ami de votre oncle notre père est ابونا notre père صديق عمكم et l'ami de vos oncles Et tu m'as dit, et la question c'est quoi? J'ai dit la question, pourquoi c'est Ammikum? Pourquoi Ammi, il a plus une question. Donc, c'est quoi que Mundaf et c'est quoi que Mundaf il est dans Mundaf. Justement. Sadiq Abuna Mubtada. Sadiq Ammikum Khabar. Sadiq Mundaf Ammikum Mundaf Unilehi. Ou Aam Mubtada Mundaf. Wakum Mundaf Unilehi. C'est ce qu'il avait dit. Ouais, justement, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce que j'ai dit. Vas-y. Il y a trois. Pourquoi Aïe? Parce qu'il y a Fi. Pourquoi t'as pas dit Fi Aïe Shari'in? Hein? Pourquoi t'as pas dit Fi Aïe Shari'in? Fi Aïe. Pourquoi t'as pas dit Fi Aïe Shari'in? Il a zéro mot à faire. Un objet qu'il soit actif, qui vient après, c'est Mundaf Unilehi. Donc c'est quoi? Fi ayi, il sera toujours Mundaf. Parce que fi, c'est un harf jar. Pourquoi déjà in? Il se finit en i, in. Déjà, ça ne peut pas être un, ça ne peut pas être, ça peut pas un, en. Maintenant, est-ce que ce sera fi ayi? Fi ayi ou fi ayin? Là, on a dit quoi? Ce sera fi ayi. Avec une kasra. Pourquoi? Parce que ayu, ce qui vient après, il est toujours Mundaf Unilehi. Donc il est Mundaf. Et ce qui est Mundaf ne prend pas de tenwin. في أي شارع أنت أشوف بيتكم بيتكم بيتنا بيتنا في شارع شارعي الذي أمام أمام ما prends pas la tête celui-là est toujours comme ça enfin jusqu'ici ce que vous avez vu sera toujours avec أمام pourquoi بعدين المحكمات المحكمات c'est quoi المحكمة C'est l'endroit où est-ce qu'on fait le hukm. C'est ça en arabe, c'est un ism ou makan. Lakin, comment tu appelles ça en français? Tribunal. Tribunal. Al-Mahkama. Mahkama, c'est l'endroit où le hukm va être fait. C'est comme Al-Mal'ab. Al-Mal'ab, c'est l'endroit où tu joues. Tu veux jouer. Donc c'est un terrain. Vas-y. Mahkama dit. Al-Masjid, l'endroit où tu fais le sujoud. Fais un dernier. Il est 11h40. 40 ouais ça suffit. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.